L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Il y a quelques mois, des astronomes annonçaient la découverte d'une planète en orbite autour de Proxima Centauri. Aujourd'hui, une étude révèle que Proxima Centauri possède un cycle magnétique avec de nombreuses taches périodiques à sa surface, à l'image de ce que connaît notre Soleil. Or, un tel cycle paraissait impossible pour une étoile naine rouge comme Proxima. Proxima Centauri est une toute petite étoile, une naine rouge dont la masse est 10 fois plus faible que celle du Soleil et sa luminosité 1000 fois plus faible. Les taches stellaires sont des zones à la surface d'une étoile où la température est plus froide. Elles sont induites par des effets magnétiques. Les champs magnétiques de l'étoile impactent les flux de plasma des couches superficielles et peuvent ainsi produire ces zones froides. Des modifications des champs magnétiques influent alors directement sur le nombre de taches. Le Soleil connaît un cycle magnétique avec une période de 11 ans qui est observée en scrutant les taches solaires. Le dernier maximum d'activité date de 2014 après un minimum en 2009. Lorsque le Soleil est au minimum de son activité magnétique, il peut être totalement vierge de taches. Au contraire, lors du maximum, le nombre de taches peut atteindre 100, mais ces dernières sont relativement petites et ne couvrent que 1% de la surface du disque solaire au maximum. Brad Wargelin du Smithsonian Center for Astrophysics et ses collègues ont exploité les observations de Proxima effectuées avec de nombreux instruments différents dans des longueurs d'onde allant du visible au rayon X avec le All Sky Automated Survey, SWIFT, Chandra et XMM Newton sur une durée totale de 22 ans. Ils montrent que la naine rouge, elle aussi, arbore un cycle magnétique de plusieurs années. La période du cycle observé via la présence de taches à sa surface est de 7 ans. Mais les taches stellaires de Proxima sont très différentes de celles du Soleil. Elles sont énormes. Au maximum d'activité magnétique de Proxima, les taches occupent 20% de la surface de l'étoile et elles sont individuellement plus grosses. Les spécialistes sont étonnés de trouver une telle activité périodique sur Proxima Centauri, car ses couches internes devraient être très différentes de l'intérieur du Soleil. Sur le Soleil, c'est le dernier tiers de l'enveloppe qui subit des mouvements de convection, les couches plus profondes restant relativement calmes. Et c'est la différence de vitesse de rotation entre cette couche convective et les couches sous-jacentes qui produisent, d'après les chercheurs, le cycle d'activité magnétique de 11 ans du Soleil. Mais dans une étoile naine rouge comme Proxima, c'est toute l'enveloppe qui devrait être convective, jusqu'à son centre. Il ne devrait alors pas y exister des variations périodiques de champs magnétiques semblables. Jeremy Drake, l'un des co-auteurs de cette étude, le dit « L'existence d'un cycle sur Proxima Centauri montre que nous ne comprenons pas aussi bien que ce que nous le pensions comment les champs magnétiques des étoiles sont générés. » L'étude n'évoque pas si le cycle d'activité de Proxima affecte ou non l'habitabilité de la planète Proxima b, mais la théorie indique que des éruptions et des vents stellaires qui sont dirigés par les champs magnétiques devraient irradier la planète et souffler une hypothétique atmosphère. Bien qu'en « zone habitable », entre guillemets, Proxima b paraît donc bien peu sympathique, malgré le spectacle étonnant qui peut y être observé. Ces résultats sont publiés dans les « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ». Cet article a pour titre « Optical, UV and X-ray Evidence for a 7-year stellar cycle in Proxima Centauri » par Brad Wargelin et al. Et il se trouve dans le numéro 463 des « Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ». Voilà, j'ai tout dit, le lien est en bas du post comme d'habitude. Allez, restez bien à l'écoute hein, sur le www.ça se passe là-haut.fr.